présentations de ce matin ont été hyper intéressantes personnellement. Et puis surtout, pour nous, c'est super important d'être ici pour pouvoir partager un petit peu ce qu'on fait, pour pouvoir essayer de sensibiliser un peu les gens sur l'Afrique en général, sur le digital en Afrique, et puis également pour pouvoir détecter des talents. Comme vous allez le voir, on est très peu à pouvoir faire ce qu'on fait, et je pense qu'on n'est pas encore les meilleurs, et donc on a besoin d'avoir les meilleurs qui viennent chez nous pour bosser. Et donc c'est pour ça que c'est super important d'être ici, de pouvoir échanger avec des gens, essayer de leur montrer que l'Afrique, c'est plein d'opportunités intéressantes, et puis surtout, comme on le voit nous, c'est essayer de redéfinir un petit peu le digital, donc c'est vraiment ça qui nous intéresse dans notre travail. Alors peut-être pour mieux comprendre un peu la salle, qui ici déjà est déjà allé en Afrique ? Qui ici est allé en Afrique subsaharienne ? Ok. Qui est déjà allé au Sénégal ? Cool. Ça marche. Qui habite au Sénégal ? Ouais. Qui a sa maison de vacances au Sénégal ? Vous avez une maison ? Ah, faut qu'on en parle alors. C'est bien. D'accord, vous êtes sénégalaise. Ok. Bon, ben, vous pourrez me contredire si tout ce que je dis, c'est des bêtises. Hein. Donc, ça va être l'experte ici. Hein. Cool. Et qui est donc ici, qui est développeur, informaticien de formation ? Ok. Qui est UX designer, architecte de l'information ? Ok. Qui est beaucoup ? Qui est chercheur dans ce domaine-là ? Qui est entrepreneur ? Tout le monde un peu aussi. Ok, super, ça marche. Bon, c'était juste pour avoir une petite idée. Donc n'hésitez pas à m'interrompre. Moi, j'aime bien les trucs un peu interactifs. Donc n'hésitez vraiment pas à m'interrompre. UX Dakar, c'est le Twitter, machin. Donc voilà, et on va parler. On pourrait parler de plein de choses. Nous, on fait du UX design. On essaye en tout cas. Hein. C'est avec beaucoup d'humilité qu'on est là parce qu'on a lancé la boîte il y a 6 mois. Donc on apprend beaucoup. Et puis finalement, on essaye de découvrir ce qui se passe au Sénégal en termes d'usage technologique. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on pourrait juste se contenter de faire des refontes d'applications mobiles pour des banques, pour des opérateurs et tout ça. On pourrait gagner de l'argent un petit peu avec ça, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de comprendre comment des populations différentes utilisent le digital et surtout, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer d'utile pour résoudre un petit peu les problèmes du quotidien. Et donc, on a fait une étude autour des marchands ambulants. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais les pays émergents, vous êtes beaucoup d'entre vous ont voyagé. Donc, y a beaucoup de marchands itinérants qui sont dans la rue, qui soit se baladent toute la journée, qui soit arrivent le matin, déplient leur stand et doivent rentrer le soir. Et ces marchands ambulants, c'est assez intéressant parce qu'il y en a énormément dans tous les pays émergents. Ils représentent une masse économique, on va dire, ou un pouvoir économique hyper important parce que tout le monde les utilise, tout le monde achète des produits auprès de ces gens-là. Mais pourtant, ils ne sont pas du tout concernés, impliqués dans les réflexions autour des technologies. Et donc, les écosystèmes un peu de start-up et numérique, qui sont tout le temps très nombrilistes, ne s'intéressent pas à ces gens-là. Et donc, développent des start-up pour les start-upers, et donc des solutions informatiques pour les informaticiens. Donc, c'est pas très utile, et c'est pour ça qu'on a voulu justement faire cette étude, qui est d'ailleurs publiée aujourd'hui en ligne, gratuitement, et tout, pour inciter l'écosystème technologique à creuser un petit peu plus dans les populations qu'on regarde en général beaucoup moins. Alors l'Afrique, vous connaissez déjà bien, mais quelques chiffres toujours qui sont intéressants. 300 millions, toutes les gens qui vous présenteront d'ailleurs des slides sur les chiffres en Afrique, c'est faux. Hein. Personne n'a les vraies données sur l'Afrique. C'est ça aussi qui est un des vrais challenges. Donc prenez toujours ces chiffres avec beaucoup de précautions, d'accord ? 300 millions, c'est le nombre de personnes qui seraient dans la classe moyenne. Donc il y aurait à peu près les revenus que vous pouvez avoir ici dans des classes moyennes en Europe. 50%, c'est la population urbaine qu'on aura en 2020. Ça se trouve, c'est déjà plus. 750 millions, c'est le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile, donc qui ont un téléphone portable. Et de ces gens-là, c'est à peu près 35% qui ont des smartphones. Okay. Et 92%, c'est le taux de connexion à Internet via le mobile. Ça, c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce que les gens qui découvrent le web en Afrique le découvrent via le mobile. Et alors quand vous avez appris à surfer sur une page et toute votre architecture finalement du web, elle est faite sur une page comme ça en 16/9, les gens là-bas, c'est l'opposé. C'est sur un mobile. Et donc ça change énormément en termes de compréhension du web, en termes d'expérience utilisateur. Il faut vraiment redéfinir et penser pour des gens qui ont appris le web d'une façon totalement différente. Aussi, autre chose, une personne sur deux, donc 50% de la population a moins de 18 ans. D'accord ? Donc quand nous, on a une agence de UX et qu'on est dans la trentaine, même si on a encore des comportements de gamin, on est complètement dépassé. On est déjà des vieux. Et donc c'est pour ça que c'est super important pour nous d'essayer de se dire et d'impliquer dans nos réflexions des gens qui ont peut-être beaucoup moins d'expérience, moins de connaissances, mais qui sentent beaucoup mieux comment se passe l'utilisation du digital en Afrique. Snapchat cartonne au Sénégal. Et moi, je ne connais pas Snapchat, je n'y arrive pas sur Snapchat. Mais pourtant, il faut que je m'y mette pour essayer de comprendre pourquoi ça cartonne autant et comment ça arrive à marcher alors qu'il n'y a que des icônes et qu'il n'y a aucun texte qui est marqué. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que ça marche. Ok, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des trucs que vous n'avez pas compris, tout ça. Hein. Ok, cool. Alors, le UX en Afrique, alors ça va aller vite, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. D'agences connues, je pense qu'on est deux sur le continent. Alors, hormis l'Afrique du Sud, hein, vous savez, les Sud-Africains, ils ne se considèrent jamais vraiment africains. Donc, nous non plus, on ne va pas les considérer comme africains. Mais voilà. Et donc, deux agences en Afrique subsaharienne. D'à peu près de 0 à 10 UX designers par pays. Il y en a 4 au Sénégal. J'ai la chance que ce soit mes 4 associés. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, je ne suis pas designer, je suis très mauvais. Mais au moins, je me suis associé avec 4 gars qui sont super bons dedans. Et qui ne sont pas sénégalais d'origine. Il y a un gars qui est congolais, un gars qui est québécois, une dame qui est franco-américaine et une autre dame qui est française. Donc voilà. Pourquoi on fait ça ? Bah, c'est pour étudier les usages et les bonnes pratiques. Les usages, donc comment les gens utilisent les outils numériques, et les bonnes pratiques, qu'est-ce qui se fait en termes d'expérience utilisateur qui est bien. Et c'est toujours une balance finalement entre des bonnes pratiques internationales, qu'on a et on peut lire les Nielsen et tous les machins, et c'est utile. Mais après, peut-être aussi des choses que nous, on va trouver, ou que vous aussi, vous allez trouver hyper moche, hyper difficile à utiliser, mais que les Sénégalais vont réussir à utiliser et à comprendre. Donc en fait, nous, on est toujours partagés entre les deux, en train d'essayer de décrypter qu'est-ce qui sont des bonnes pratiques internationales et qui marchent au Sénégal, et qu'est-ce qui sont des mauvaises pratiques internationales, mais qui sont des bonnes pratiques locales. Et je pourrais vous montrer, vous pouvez vous amuser à aller sur un site comme Sénéweb, qui est le site numéro 1 au Sénégal, mais c'est une horreur. C'est juste une horreur et il n'y a pas de contenu, il y a juste des gros titres. Et d'ailleurs, tous les titres, c'est des citations de gens, donc c'est une culture très orale. Donc même quand vous la retrouvez sur le web, c'est de l'oralité qui est mise sur le web. Et ce site, qu'est-ce qu'il est moche, les images sont piratées, c'est des fausses photos, enfin bref. Voilà. Et pourquoi nous on fait ça ? C'est essayer de concevoir des innovations technologiques qui sont adaptées au contexte. Donc on est un petit peu agence, mais très franchement la partie agence c'est un peu pour mettre du beurre dans les épinards et payer les gars. Mais on a surtout cette vocation à être plutôt une usine à produits digitaux qui serait adaptée au contexte. Après, peut-être dans un an, je vous dirais que ça n'a pas marché et qu'on a une agence à 100%. Cool. Alors, marchand ambulant et numérique. Donc on a étudié 4 profils, donc ça c'est un peu des personas qu'on a fait. Il y a beaucoup de types de marchands ambulants, et d'ailleurs ils ont des profils et des vies très différentes. Donc on a étudié, nous, le vendeur de fruits, donc c'est des gens qui sont dans la rue à vendre des fruits, qui arrivent le matin et qui repartent le soir. La vendeuse de fruits, ça c'est un persona un peu atypique qu'on a fait, parce qu'il y a très peu de femmes qui vendent des fruits, il y a très peu de Sénégalais ou Sénégalaises qui vendent des fruits, en général c'est des Guinéens. Et surtout qu'elle est diplômée, elle est connectée, elle a son compte Snapchat. Donc on a trouvé ça intéressant de faire un persona autour de ce profil. On a le vendeur de crédit, El Hadj, qui lui est toute la journée en train d'essayer de vendre du crédit. Ah oui, je ne vous ai pas dit, 95 ou 98% du crédit téléphonique est en prepaid. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de forfait. Donc les gens, chaque jour ou quand ils en ont besoin, ils vont prendre une petite carte à gratter et ils vont recharger leur crédit, comme les SFR, la carte et les choses comme ça. Et ce qui implique beaucoup de changements dans la façon de se projeter, dans les offres qu'on peut faire et tout ça. Et donc ces gens-là sont hyper importants, il y en a à peu près 100 000 au Sénégal. Et l'opérateur ne pourrait pas fonctionner sans eux. En gros, c'est des employés complètement informels de l'opérateur sur lesquels l'opérateur télécom ne paye aucune charge, pas d'impôts, c'est super pratique. Mais c'est un peu triste pour eux malheureusement. Et Mohamed, le vendeur de café, qui lui vend du café Et vous allez voir pourquoi lui, il gagne peut-être le moins d'argent de tous ces gens-là, mais il a parfois la vie la plus simple. Parce que c'est le seul qui est dans un cadre où il a une interaction positive avec ses clients. Voilà, alors méthodo. Là-dessus, vous avez le droit vraiment de me critiquer. C'est vraiment mes collègues designers qui l'ont fait, mais c'est aussi pour ça qu'on est ici, c'est pour essayer d'avoir un maximum de feedback. On a fait une trentaine d'entretiens. Beaucoup sur le terrain, et quand on a vu qu'il y avait un très bon feeling avec les gens, on les a invités après à huis clos. pour des entretiens qu'on a enregistrés avec des modérateurs. Bien sûr, la barrière de la langue. Donc, on avait deux collègues qui étaient un qui parlait Wolof et un autre qui parlait Poular, donc Peul, qui est la langue des Guinéens majoritairement. Donc on les a fait en entretien à huis clos. C'était pas simple parce que les gars étaient un petit peu forcément intimidés, ils avaient jamais eu ce truc là quand on les a rémunérés après, ils ont eu peur et après ils en ont parlé à tout le monde et tout le monde voulait venir se faire interviewer. Mais c'était très, très enrichissant, on a beaucoup appris. Des notes écrites, des enregistrements audio, tout ça. On a essayé bien sûr de répartir les gens en fonction de leur profil au niveau des interviews et puis surtout au niveau des zones. Il y a des zones qui sont vraiment les zones d'expatriés, de business où il y a beaucoup de gens riches. Et puis après, il y a les zones beaucoup plus populaires. Et on a essayé de mixer un petit peu ces différentes zones. Et encore, on pourrait faire beaucoup plus. Et parce que c'est pas simple d'aller dans certaines zones, d'aller trouver les gens au bon endroit, de pouvoir inviter ces gens-là après dans vos bureaux et tout. Ok ? Vous me dites si je vais trop vite, s'il y a des questions. Et puis j'essaye d'aller vite maintenant pour qu'après on ait plein de temps pour préparer déjà vos questions, parce que moi j'aime bien les questions. Ok, donc ça c'est un petit peu les gens, vous voyez là, il a un petit stand. Alors c'est super intéressant l'histoire de ce stand. À la base, ils étaient fournis par Nescafé, ou en tout cas Nescafé les aidait à les brander, à les peindre en rouge et à les maintenir en état. Mais maintenant Nescafé les a complètement lâchés. Donc même eux, parfois, ils repeignent leurs trucs à leurs frais en mettant Nescafé dessus. C'est comme si vous, là, vous allez repeindre, parce que vous aimez bien orange, vous allez repeindre votre façade en orange pour attirer des gens, quoi. C'est le monde à l'envers. Pareil pour les vendeurs de crédit. Alors, ce n'est pas le cas pour lui ni pour lui, mais souvent, les gars s'habillent en orange. Ah oui, orange, gros monopole au Sénégal, à peu près 90% des gens ont au moins une puce orange, donc un opérateur orange, et ils ont quand même après parfois une autre puce. Mais quand on donne un... C'est tout le monde à orange. Bref, et donc les gars s'habillent en orange. Et alors qu'au début, Orange leur donnait des t-shirts, leur donnait des casquettes, maintenant c'est le monde à l'envers. Pareil, c'est eux pour se faire voir des clients qui s'habillent en orange. Et c'est un petit peu aussi pour ça qu'on fait ce genre de choses, c'est qu'on veut essayer de contrebalancer ça, essayer de trouver des innovations technologiques qui vont pouvoir permettre à ces gens-là de reprendre le contrôle sur leur business. Ok ? Et donc on a fait des petits personas, des petites expériences MAV, vous connaissez tout ça. Alors bien sûr, on ne va pas rentrer dans le détail, vous savez ce que c'est qu'un persona. Mais typiquement, notre vendeur de fruits, il a à peu près 29 ans, il est marié, sa famille est en Guinée-Conakry, donc il n'est pas dans son pays. Donc il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à la langue, à l'adaptation au pays, à l'acceptation par les Sénégalais. Il n'a pas de compte de mobile money. Vous connaissez le mobile money ? Ça vous dit quelque chose un peu ? En gros, c'est des comptes, mais qui sont faits grâce à votre téléphone portable. 15% de la population en Afrique, à peu près, a un compte bancaire. C'est-à-dire que la plupart des gens ne peuvent pas faire d'économie, ne peuvent pas prévoir, parfois n'ont pas d'assurance. Le mobile money, en fait, c'est les opérateurs télécoms qui vous permettent, via votre téléphone portable, d'avoir un compte bancaire dessus. Et donc, vous pouvez aller au magasin, payer avec votre téléphone, vous pouvez transférer de l'argent à vos collègues ou autres, et surtout, après, avoir une possibilité d'épargner. Et c'est en train de révolutionner vraiment le continent. À peu près, je crois, 40% du PIB du Kenya passe par le mobile money maintenant. Donc ça devient vraiment assez impressionnant. Mais bref, c'est une autre histoire. Alors ce qui est intéressant, c'est que les gars, ils ont un smartphone et souvent un ou deux feature phones. Donc les feature phones, c'est des petits trucs avec... vous vous rappelez le WAP ? Ouais, et ben, c'est là-bas, ça marche encore. Pour faire ça, ils ont en général, ils se connectent quelques fois par semaine parce que ça coûte cher. Oui, l'Internet, ce n'est pas des plans illimités, comme l'appel et les voix. À chaque fois que tu veux te connecter à Internet, tu payes et ça déduit de ton crédit. Et donc forcément, ils se connectent ponctuellement, en général le soir, quand ils veulent appeler la famille, via des messageries instantanées. Donc les WhatsApp, les Viber, mais ce qui marche surtout dans les pays émergents, c'est IMO, qu'on a marqué ici, qui marche très fort dans les communautés des marchands ambulants. Donc ils se connectent ponctuellement pour pouvoir répondre à ce besoin, parce que sinon ça coûte très cher, la connexion. Ils ont, comme je vous le disais, ils ont plusieurs SIM pour pouvoir surfer sur les différentes promotions. Parce que les opérateurs font des promotions en termes de crédit. Donc il y a parfois des jours où ils vont dire « Ah bah là, si vous achetez 5000 francs CFA de crédit, donc en gros 7-8 euros, bah en fait, vous allez en avoir 15. » Et donc, en fait, tu as toujours deux puces pour pouvoir surfer en fonction des promotions. Voilà. Et puis, bon, ils dépensent un petit budget d'à peu près même pas 7 euros par semaine pour les appels et SMS et pour le crédit et pour l'Internet. Mais ce qui, proportionnellement à leur revenu, est énorme. Ce que les gens dépensent en Afrique pour se connecter et pour utiliser le téléphone portable est juste sans comparaison avec ce qu'on dépense nous ici, quoi. Bon, après, on pourra rentrer dans les détails. Dans tous les cas, l'étude est en ligne. Le but, ce n'est pas de vous présenter un Lyoun en détail, mais c'est juste de vous comprendre faire comprendre un peu la méthode. Après, on a essayé de vraiment creuser au niveau de la gestion de leur activité pour essayer de voir quels sont les problèmes liés à leurs fournisseurs, liés à leurs partenaires, liés à la relation client, liés au stock, liés à l'épargne, la concurrence, voilà, toutes ces choses-là. On a essayé de comprendre un petit peu les horaires, les chiffres d'affaires journaliers. Très difficile de savoir combien les gens gagnent. D'ailleurs, les gens de ce genre de marchands peuvent gagner peut-être 100 euros une journée et le lendemain gagner 10 euros. Donc c'est, même pour eux, c'est très difficile de se prononcer dessus. Très difficile pour eux de savoir quels bénéfices ils font. Les gars n'ont aucune comptabilité, c'est au jour le jour. Donc tu achètes tes marchandises, tu revends, tu espères que le soir il te reste un peu d'argent pour manger. Et voilà, aucune comptabilité, aucune gestion, aucune projection dans l'avenir. Donc c'est ça aussi qu'on pense essayer de résoudre avec peut-être des applications. La perception des marques, les relations avec les fournisseurs, on a étudié tout ça. Et puis bien sûr, les motivations, frustrations, desquelles on essaye de trouver pas mal d'idées. L'expérience map. Alors comme vous allez le voir, il y a des icônes très moches. C'est un projet qu'on est en train de lancer, d'essayer de faire une banque d'icônes africaines. Parce qu'on n'avait pas d'icônes qui représentent notre marchand de fruits. Donc voilà, donc on essaye de créer ces icônes parce qu'on pense que c'est important, c'est tout bête, mais voilà, voilà, on a fait des icônes toutes moches, mais elles seront beaucoup plus jolies dans quelques temps. Ça, je pense, c'est le point le plus important, parce que dans les expériences map, ce qu'on essaye surtout de savoir, c'est l'état d'émotion de la personne. Quand tu demandes à nos marchands ambulants, tu n'arrives jamais à savoir ce qu'ils pensent. Et ça, c'est culturellement très important. C'est peut-être lié à la culture, à l'éducation, à la religion, au contexte. Et ce qui fait que quand tu essayes de résoudre des problèmes des gens et que les gens ne te disent pas qu'ils ont de problèmes, alors qu'ils ont des vies mais extrêmement difficiles, tu n'arrives pas à savoir à quel moment ils ont des pain points, ou en gros des difficultés, des frustrations. Et ils vont te dire, ça va, ça ira. Et toi, tu es là en train d'essayer de designer des trucs pour eux. Tu es complètement perdu parce que tu ne sais pas si le pire moment de sa journée, c'est le matin, l'après-midi ou le soir. Et donc là, on a mis un petit bonhomme négatif parce qu'on pense que le rangement du stand, le retour chez lui, c'est compliqué. Mais toute la journée, il est comme ça. Et c'est très difficile de designer dans des cultures où les gens ne montrent pas forcément leurs émotions. Et c'est ce que je disais après quand les gars étaient venus à Dakar. Là, c'est, tu demandes à un Français ce qui ne va pas, mais il va te sortir plein de choses, même si ça va. On est habitué à râler et c'est super en tant que designer parce que du coup, tu as plein d'idées. Mais quand tu demandes à quelqu'un comme ça qui a énormément de problèmes, il va dire « Ah, ça va ». Et donc voilà, mais donc quelques problèmes, bien sûr, et le digital ne peut pas tout résoudre. Et ça, c'est aussi ce qu'on essaye d'apprendre, c'est avoir beaucoup d'humilité. En tant que créateur d'innovation, se dire ça ne peut pas tout résoudre. Il y a de la chaleur, il y a du bruit, il y a de la pollution, il y a des problèmes d'hygiène, il y a de l'ennui. Il doit travailler très dur à certains moments, et puis après, il n'y a pas de client, donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'ennuie, il doit rester debout près de son stand. Il y a des clients mécontents sur la qualité des fruits, parce que les fruits, parfois, sont là, ils restent au soleil, c'est pas bien. Les agents de la mairie qui viennent un petit peu les harceler, parce qu'ils doivent payer quand même une petite taxe. C'est très informel tout ça. Donc, au Sénégal, ça se passe plutôt bien. Au Kenya, les gars se font tabasser, racketter par les trucs. Dans certains pays, les gars sont vraiment martyrisés. Donc, c'est très compliqué. Pas du tout de reconnaissance sociale de la part des clients, alors qu'on consomme tous auprès de ces gens-là. On ne se sent pas proche, pas impliqué. On les voit vraiment comme une autre partie de la société. C'est vraiment pas bien. Et puis, ils aimeraient avoir plus de clients récurrents. Essayer de fidéliser les clients, mais ils n'ont aucune idée de comment le faire. Donc voilà, juste pour un petit peu leur cœur d'activité. On a étudié un petit peu après les médias utilisés aussi, au cours de la journée, sur lesquels on pourrait éventuellement les toucher. Si je parle trop vite, vous me dites, parce que moi je m'essouffle. Vendeur de crédit, pareil, on va moins rentrer dans les détails, vous avez compris l'idée, mais voilà, on a fait ce travail sur le vendeur de crédit, très dur, de 7h à 22h, les gars sont debout sur le trottoir, en pleine chaleur. Dakar, là, c'est la période la plus fraîche, il fait 25 degrés en journée, d'accord ? La période la plus chaude, il fait vraiment chaud. Et le soir, il fait 15-20 degrés, donc il fait froid aussi. Donc c'est vraiment pas simple. Et surtout, le job du vendeur de crédit, en général, il se positionne dans les embouteillages, donc il a plein de pollution. Et c'est pas les voitures avec les pots catalytiques, tout ça qu'on a ici, hein, c'est des taxis, des Peugeot 405 des années 80. Donc ce qu'il respire, c'est vachement moins bon pour la santé. Et puis, il doit courir auprès des gens. Parce que le temps de lui donner la carte, de prendre le crédit, les gars ne s'arrêtent pas. Moi, c'est ce qui m'a choqué au Sénégal. C'est que tu es en voiture, tu es dans les embouteillages, tu demandes ton crédit, tu ne vas pas t'arrêter parce que les gens derrière vont klaxonner. Donc, tu avances en voiture et le gars te court après. Et il est là, il est en train de te donner le crédit. Mais c'est très dur. Et sans parler du danger, même en termes de respect, je trouve que c'est un peu choquant. Mais c'est sa journée et il gagne vraiment pas grand-chose à la fin. Bien sûr, les marges, il est tout en bas de la chaîne. Donc les marges qu'impose l'opérateur et ses différents distributeurs, il est hyper dépendant de ça. Ils se réunissent pas pour acheter en gros, ce qui nous a beaucoup surpris alors qu'ils sont partis de la même communauté. C'est pas simple pour le vendeur de crédit. Un petit peu son parcours. Et pareil, quand tu demandes au gars, ouais, ça va. Et toi, tu es là, ok, finalement, tu n'as besoin de rien, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et c'est vrai que là, tu te dis, à moins de faire une application qui cache du soleil, qui fasse réfrigérateur et qui lui permet de s'asseoir en même temps, pour l'instant, on n'y est pas, mais on ne peut pas faire grand-chose, particulièrement avec du mobile. Donc, dans tous les cas, ce qu'on pourra apporter avec des innovations digitales ne résolveront, ou résoudront, je ne sais pas comment on dit, qu'une partie de leurs problèmes. Et c'est ça aussi qu'il faut toujours prendre en compte quand on design des produits pour des contextes un peu particuliers. Puis après, le vendeur de café. Ah oui, à chaque fois, on demande les marques préférées. Truc très intéressant. Les marques sont nulles en Afrique à fidéliser les gens. Il n'y a que Samsung qui est arrivé. Nokia avant, bien sûr, parce que Nokia était solide et tout le monde avait Nokia. Bon, on sait bien ce qu'est devenu Nokia. Maintenant, c'est Samsung. Tout le monde aime Samsung. Mais à part ça, aucune personne n'est capable de te dire, lui, le vendeur de café, il aime bien Nescafé et Lipton, mais sinon, les autres, aucune marque n'a une relation proche avec ses clients, donc personne n'aime vraiment de marque. Et ça, c'est une opportunité manquée pour les marques, et puis surtout pour le client, tu te sens totalement délaissé. Et les marques vont te répondre, oui, mais c'est parce que les gars ne sont pas fidèles. Donc il y a vraiment quelque chose à construire dans la relation de ces commerçants avec des marques et des partenaires. On étudie bien sûr les réseaux sociaux, quelque chose que je ne vous ai pas dit en intro, mais quand vous demandez à un jeune Sénégalais s'il a Internet ou s'il est déjà allé sur Internet, il va te dire non. Par contre, si tu lui demandes est-ce que tu es déjà allé sur WhatsApp et sur Facebook, il va te dire oui. Et donc après, tu es là, mais Facebook et WhatsApp, c'est Internet. Ah, ok, machin. Et en fait, Internet, ça commence par Facebook. D'accord ? Moi, j'ai vu des gens, tu leur demandes d'aller chercher quelque chose sur le web, ils ne vont pas ouvrir Google et taper dans Google, ils vont taper dans la barre de recherche de Facebook. Pour vous dire à quel point Facebook est prédominant et vraiment envahit le paysage technologique. WhatsApp et les instant messaging, c'est pareil. Les gens les utilisent énormément et surtout avec la voix, forcément, parce que beaucoup de gens sont encore illettrés, notamment en français, mais ils utilisent avec la voix. Fait intéressant, beaucoup de ces gens sont lettrés, mais pas en français. Ils peuvent être lettrés en arabe, mais pourtant on ne voit aucune application mobile écrite en arabe. Et très peu d'applications mobiles utilisent la voix, ou en tout cas leur langue. Donc il y a peut-être des choses à faire. Et les thématiques de ce matin sur le son sont fascinantes, parce qu'il y a énormément d'opportunités en Afrique de travailler sur la voix, le son, l'oralité, parce que c'est dans tous les cas comme ça que les gens fonctionnent. Voilà, le vendeur de café, blablabli, blablabla. Je suis au niveau du temps, ok, déjà. Alors, après on catégorise les types de frustrations. Donc, c'est l'architecture de l'information. Nous aussi, on essaye d'être un peu carré quand même de temps en temps. On a regroupé les problèmes rencontrés dans ces catégories. Donc, gestion d'entreprise, la formation et l'information, la qualité de vie, les chaînes de valeur et le dialogue avec les autorités. J'ai mis la liste, mais je ne vais vraiment pas les détailler, mais c'est pour vous montrer à quel point ça peut être basique. Enfin, mauvaise gestion des stocks, difficulté pour rangement du stand le soir, parce qu'ils sont obligés de négocier avec des gars qui ont peut-être un parking, un garage. Ils doivent lui donner un truc, mais ce n'est pas du tout sécurisé. Les gars peuvent se faire voler leur stand, leurs fruits, s'il reste des fruits dessus. Pas d'enregistrement légal de leur activité. Donc certes, tu me diras, ils ne payent pas d'impôts, mais ils n'ont aucun droit aussi. Ils n'ont aucune reconnaissance, donc c'est un petit peu compliqué. Revenus très irréguliers, donc pas possibilité d'épargner. Formation, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a un gros décalage entre les besoins que nous, on peut percevoir pour ces gens-là et les besoins qu'eux te disent. Ils veulent tous apprendre l'anglais, les gars. Et on est là, mais il y a juste quelques touristes au Sénégal qui parlent anglais. Non, ils veulent tous apprendre l'anglais. Et donc là, on est en train d'essayer de concevoir une app de formation. Le premier contenu qu'on va mettre dessus, c'est des trucs basiques en anglais. Parce qu'ils sont très frustrés quand un touriste américain est là, veut acheter du crédit, veut acheter une puce orange ou du café et qu'ils ont, ils sont pas capables d'avoir une conversation basique avec lui. Et ça montre une vraie volonté aussi de s'améliorer dans cette relation client. Bien sûr, donc marketing, comptabilité, gestion, un petit peu, mais pas tant que ça. Et puis après, des choses qu'on pensait être intéressantes, donc ce sera à tester bien sûr, mais on a vu un des vendeurs de café qui innovait énormément en termes de recettes. Et donc il lui-même te proposait dans ton thé de te faire mettre un petit bonbon au gingembre dedans, un truc qui n'existe pas, mais c'est trop bon et ça a cartonné, il a monté son prix x2 et ça marche vachement bien. Et donc après, donc, il garde sa recette secrète et tout, mais c'est super marrant parce qu'il y a une vraie volonté d'avoir au moins une approche de service client améliorée, notamment sur des conseils en nutrition, en mobile banking, parce que c'est quelque chose qui paraît un peu compliqué pour des gens qui, pourtant, ils vendent du crédit téléphonique, mais ils connaissent très mal comment le mobile banking marche, alors que c'est une opportunité énorme pour eux. Donc voilà, après, il y en a d'autres, vous pourrez les regarder. Bon, après, comment on génère des idées à partir de ça, c'est surtout à vous de me le dire, mais en gros, nous, ce qu'on a fait, on a regroupé les idées, on a fait des brainstorms en impliquant différents types de personnes, en impliquant ces gens-là. Et puis après, on a mis sur papier quelques concepts. On a eu une liste d'à peu près 30 idées d'applications qui répondaient à peu près à ces problèmes. Et puis après, on en a poussé quelques-uns. Donc on a défini l'ensemble des contenus, essayé de les organiser. On a fait les workflows, les wireframing, les finitions de fil. Nous, on est à peu près là en ce moment. On est en train de finir les premiers wireframes. Et on va aller sur le terrain, tester ça. Et on a déjà fait un test avec un vendeur de café, lui montrer les premiers schéma sur du papier, voir ce qu'il en pensait. Il n'a rien compris à ce qu'on a fait, donc on va tout refaire. Donc, mais voilà, mais au moins, on n'a pas codé encore, c'est l'avantage. Cool, donc quelques idées. Donc, bon, je ne sais pas si ça va vous parler, mais tu vois un petit système de gestion de stock et de rapprovisionnement que tu pourrais faire par SMS ou USSD. Les USSD, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est quand tu fais étoile, 1, 2, 3, étoile, machin, machin, machin. Ça marche vraiment beaucoup sur le continent parce que tu n'es pas obligé d'avoir une connexion Internet. Et donc, quand tu fais ce genre de menu, tu as un petit menu après qui s'ouvre et il te dit tapez 1 si vous voulez faire ça, tapez 2 si vous voulez faire ça. Et donc, il y a beaucoup de services, et notamment le mobile banking, qui marche que sur USSD. Donc voilà, il y a peut-être des choses à faire dessus. Application mobile sur les conseils, les bons produits à vendre, sur l'achat en gros, pour essayer d'unifier un petit peu ces personnes quoi, qui finalement, à cause des distributeurs, sont énormément isolées et donc sont tout en bas de la chaîne sans moyen d'avoir de pression, d'achat en gros, pour négocier un petit peu mieux leur situation. Et puis, application mobile de matching entre les marchands pour les particuliers qui auraient besoin, ou les entreprises, d'ailleurs, besoin de coursiers. Sort d'un petit peu ce qu'essaye de faire Uber, mais nous, utiliser le fait qu'il y a tous ces gens-là qui soient déjà mobiles et les mettre en relation avec des gens qui auraient des colis à aller chercher à droite ou à gauche. Voilà. Et ce qu'ils font déjà, d'ailleurs, de façon aussi informelle. Toutes ces idées-là sont des choses que ces personnes essayent de faire tant bien que mal, et on se dit que l'outil numérique peut peut-être apporter quelque chose là-dedans. Alors, conclusion, si tu veux UXer en Afrique, je ne sais pas, d'ailleurs, vous allez me dire si le verbe UXer existe, mais je pense qu'il faut qu'on l'invente. Donc, sinon, il est inventé aujourd'hui. On va mettre un petit TM, là, trademark, là-haut. Il faut d'abord sensibiliser, parce que nous, d'ailleurs, notre entreprise s'appelle UX Dakar. Ça s'écrit YUX Dakar. Le Y voulant dire Yon, qui veut dire le chemin. En Wolof. Donc c'est super psychologique et tout, c'est joli, mais personne ne prononce UX, tout le monde dit UX. Et bon, puis maintenant, nous aussi, maintenant on dit UX, quoi, mais bon, à la base, c'est pas notre nom. Mais pour vous dire à quel point le mot UX est pas du tout connu, pas du tout utilisé, même par les gens qui sont dans des agences digitales, chez Orange, on n'en parle même pas. Donc voilà, donc il faut d'abord sensibiliser, et nous, c'est ce qu'on fait. On fait beaucoup d'ateliers de formation, et on fait un blog, on essaye de maintenir un blog, on fait des petites vidéos de temps en temps. Pour partager sur cette discipline. On étudie les usages, et ça, vraiment essayer de le comprendre, l'impact du mobile, l'impact du prepaid, l'impact de la vidéo, instant messaging, toutes ces vraies particularités du contexte africain, il faut vraiment creuser dedans et voir comment ça fonctionne. Il y a des entreprises qui ne vendent que sur WhatsApp, au Sénégal ou en Afrique, et qui sont des grosses entreprises, mais ce qui est dommage, c'est que toute la valeur retourne vers WhatsApp, et pas forcément vers ces gens-là. Creuser dans les émotions, ça c'est le plus dur, c'est très difficile, c'est essayer d'avoir différentes approches, poser des questions différemment, poser des questions totalement contournées pour essayer de voir justement ce que les gens ressentent et quelles sont leurs vraies frustrations, leurs vrais problèmes. Le vendeur de fruits par exemple, une anecdote assez rigolote, le vendeur de fruits sort dans sa poche tous les soirs avec peut-être 300-400 euros de chiffre d'affaires qu'il a fait tous les soirs, donc il gagne de l'argent. Les fruits, ça marche très bien au Sénégal, ils marchent bien. Par contre, un jour, à un moment, il voulait draguer une fille qui était là, il lui parle et tout, et la fille le regarde comme ça, et elle le laisse. Et lui était frustré parce qu'il se dit, mais attends, si elle savait que j'avais tout cet argent, j'aurais pu la convaincre et tout. Et à partir du moment où c'était un marchand de fruits, la fille a pensé que c'était vraiment, limite, un vaurien. Et lui, c'est ça qui l'a plus marqué. Nous, c'est cette anecdote, finalement, qui nous a marqué, parce que dans tous les problèmes qu'on imaginait, lui, c'est ce râteau par cette fille qui l'a plus marqué. Et alors bon, peut-être on va faire un Tinder pour les marchands, hein, ça se trouve, c'est ça qu'on devrait faire. Mais voilà, en tout cas, c'est ça qui est intéressant, d'essayer de creuser dans les vraies problématiques, et la reconnaissance est vraiment un des aspects clés qu'on a essayé trouver dans ces gens-là. Créer du UX africain, ça c'est hyper important pour nous, c'est que on veut pas adapter des choses, on veut créer l'état de l'art, on veut essayer de comprendre comment ça se passe, et ça se trouve en faisant ça, ben on va remarquer que c'est pareil partout, et tant mieux, mais si on fait pas cette démarche d'essayer de comprendre, on aura perdu. Donc il faut qu'on crée ces icônes, il faut qu'on crée des parcours utilisateurs vraiment atypiques, il faut qu'on crée des motifs, des polices différentes, il faut qu'on étudie les couleurs. Il y avait une super étude sur le UX design en Chine qui te disait, bah ouais, si tu utilises du blanc, c'est bête, mais c'est la couleur du deuil. Donc fais un petit peu attention aux couleurs que tu vas utiliser. Et ça, on ne le sait pas au Sénégal. On a des feelings, mais il faut qu'on l'étudie. Il faut qu'on pose cet état de l'art. Et on a besoin de recherche pour ça. Nous, on est des entrepreneurs, des designers. On essaye de gagner notre vie. Mais il faut qu'on ait des chercheurs qui fassent ça aussi. Et il n'y en a pas. Donc voilà. Il faut penser visuel et vocal et pas écrit. Ça, c'est super important. Mais on l'a dit ce matin, on est dans des environnements très visuels, et puis finalement, le milieu du web qui vient d'une culture occidentale est très écrit. Et ça, pour nous, ça ne colle pas du tout. Il faut vraiment qu'on essaye de réinventer les interfaces technologiques comme machine avec du vocal dedans, et avec du visuel qui parle aux gens. Un exemple que je donne souvent, mais le bouton Home sur un site web, il est bien joli, mais c'est une maison, vous voyez la petite maison, là, on croirait un petit chalet suisse. C'est une logique que ça parle. Alors forcément, après, si on te le montre plein de fois, tu vas l'apprendre. Mais ce serait tellement mieux de pouvoir avoir des choses qui ressemblent à son contexte. Et alors, le bouton Home, c'est peut-être pas le plus utile, mais il y a plein d'icônes comme ça qu'on peut essayer d'améliorer. Et donc, en conclusion, réinventer le digital, ne surtout pas... Enfin, c'est bien d'essayer d'adapter. Et plein d'entreprises étrangères essayent d'arriver. Ah, le crowdfunding, c'est génial, ça va marcher en Afrique. Ça marche pas comme ça. Il faut pas juste se contenter d'avoir une ou deux petites adaptations, mettre un petit mot en Wolof par-ci, mettre une jolie photo avec un enfant africain, ça ne marche pas. Il faut vraiment essayer de repenser le concept à la base. Donc voilà. Et donc c'est un gros chantier, on a besoin de vous pour ça. Voilà, cool. Téléchargez l'étude ici, c'est 1 million d'euros seulement. Non, c'est gratuit. Cool, merci. J'espère que vous avez des questions. Je n'ai pas fait tout ça pour parler tout seul. Déjà, vous avez tout compris? Ou il y a des trucs que vous n'avez vraiment rien pigé? Non, ça va? Des questions là-haut? Alors, moi, j'avais 3 questions. On va les faire les unes après les autres. La première, c'est comment en être arrivé à choisir ce cas d'étude-là? Est-ce que c'est vous qui vous êtes dit, tiens, potentiellement, ça peut être intéressant d'aller dans cette direction, on verra ce qu'on en fait? Ou est-ce que derrière, il y a un commanditaire qui vous a dit, ce marché-là, on a envie de l'attaquer, est-ce que vous pouvez nous aider? Ouais, très bonne question. Non, on n'a pas de commanditaire. On aimerait bien, parce que ça vous dirait qu'on serait plus riche. Mais non, cette étude, c'est vraiment quelque chose qui... On a fait une liste de projets, on en a plein. Il y aurait plein de choses à travailler. Il y avait notamment un sujet sur les pires sites du Sénégal qu'on voulait faire, mais bon, ça reviendra après. Donc non, c'est vraiment quelque chose qu'on s'est dit, c'est des gens avec qui on interagit tous les jours, et notamment ce vendeur de café là, qui était à côté de l'incubateur de start-up dans lequel je bossais. En 5 années à bosser à côté de lui, le mec a été hyper influencé par toutes les start-up qui venaient prendre leur café là-bas. Et ce gars a énormément à dire, à apprendre, et on s'était jamais vraiment posé avec lui pour lui dire, mais c'est quoi tes problèmes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et finalement, plutôt que parfois de penser à des grands trucs, gagner de l'argent et faire de la RSE, ben, on est là, on est des start-up, le gars est juste à côté, est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire des innovations qui lui sont utiles? Donc c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Après, forcément, on pense qu'on aura des commanditaires qui vont financer certaines études, qui seront biaisées aussi parce qu'ils voudront peut-être savoir, et qui surtout seront privés. Donc c'est un petit peu dommage, c'est vraiment aussi ce qu'on voulait faire, c'est faire des choses publiques pour redonner un petit peu à l'écosystème des start-up et le nourrir. Après, tu vois, la deuxième phase de conception des applications, pour l'instant, le modèle, on va le garder pour nous, pas forcément public, et voir après les débouchés. Soit, bah, comme je te disais, soit on va créer des entreprises derrière, soit on va faire un revenu sharing, soit on va après les donner en open source. On verra. Je peux poser rapidement mes autres questions, Bertrand ou... la deuxième, c'est, dans votre équipe, est-ce que vous êtes que des Français? Et si oui, est-ce que ça pose des problèmes dans le rapport aux autres et dans les phases d'études? Moi, je te dirais que je suis pas français, mais je suis breton. Mais non, justement, on a un Canadien qui lui a monté un business de meubles d'ailleurs, de conception 3D de meubles et tout, ça cartonne et il est super fort. On a une Française, mais qui elle vit au Sénégal et en Côte d'Ivoire depuis plus de 10 ans, mais qui est française quand même. Et une Américaine qui vit au Sénégal depuis 3 ans. Voilà. Et un Congolais, mais qui vit au Sénégal depuis 10 ans. Donc oui, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. On a eu la chance là, d'avoir des collaborateurs qui étaient Sénégalais et Guinéens, donc qui pouvaient parler les deux langues. Et ça, c'est le plus important, c'est que d'avoir des gens qui comprennent un minimum la méthodologie et qui ont cette empathie naturelle avec les gens, parce que finalement, ce n'est pas de la formation, c'est vraiment du naturel, et qui parlent la langue. Et c'est là-dessus où on a des difficultés à trouver des gens ou à les former. Donc oui, on sait que c'est notre grosse limite pour l'instant et il va falloir qu'on se renforce dessus. Quoi. Ma troisième question, tu attaquais en disant que... Enfin, tu donnais des chiffres qui étaient très contextualisés au continent africain dans sa globalité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de faire de l'UX au Sénégal ou de l'UX en Afrique? Et si c'est le cas, est-ce que quelque part, c'est pas un peu compliqué de faire de l'UX à l'échelle d'un continent plutôt que d'un Bien pays, sûr. D'une culture un peu plus identifiée? Bien sûr. Ça me fait marrer quand je tape comme ça. Ça, c'est vraiment le réflexe que tous les Africains ont quand ils sont dans des conférences. Parce qu'on est tellement habitué à ce que les micros ne marchent pas que dès que tu vois un Africain dans une conférence, il est comme ça, tu sais. Donc ça explose les oreilles de tout le monde. Et bref, petite anecdote. Oui, Sénégalais. On fait du UX et même dakarois. Pour être très honnête, et même Dakarois, c'est sur cette cible en particulier, sur ces quartiers en particulier. C'est vraiment très varié tout ce qui se passe dans les différentes villes et les différents pays du continent. Donc oui, c'est pas UX design en Afrique, c'est UX design à Dakar qu'on aurait dit. Et par contre, on veut le pousser sur le continent. Donc on a des gens avec qui on collabore, en tout cas on échange beaucoup, qui sont à Nairobi, au Kenya. Et sinon, voilà, on connaît un petit jeune UX designer autodidacte qui est au Bénin. On essaye d'échanger avec lui, il y a peut-être un graphiste ou deux qui est à Abidjan, on essaye d'échanger et on essaye justement de leur donner tout ce contenu UX. Eux ont peut-être un peu de web design et de UI et on essaye de leur donner là, un peu toute la méthodologie de recherche utilisateur pour qu'ils puissent faire ça, monter des groupes, monter des meet-ups dans leur pays, des choses comme ça. Mais oui, c'est le challenge et pour nous, notre ambition est déjà de bien faire notre boulot au Sénégal, on verra après quoi. Je pense que c'est un peu la même question. Est-ce que vous pensez que l'Afrique de l'Ouest, le UX en Afrique de l'Ouest, c'est un peu différent avec l'Afrique de l'Est, parce que pour moi, je pense que c'était UX design au Sénégal. Et je trouve que la situation de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone est un peu différente. Et la deuxième question, c'est quoi votre défi pour votre start-up en Afrique? Parce que je pense que c'est sur les Africains qui peuvent comprendre le besoin des utilisateurs en Afrique pour créer les solutions pour eux. C'est quoi votre défi et comment est-ce que vous essayez de travailler avec les UXS au Sénégal pour l'informer ou les donner le moyen de travailler avec vous? D'accord. Alors, la première question, La première question, non, c'est vraiment du UX dakarois qu'on fait encore. Et y a même, c'est même pas, je pense, Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, Est, c'est chaque pays est très différent. Chaque ville même est très différente. Et si on faisait pareil à Abidjan, qui est pourtant Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, ce serait aussi différent. Donc c'est ça les enjeux. Après, il faut essayer de voir des sujets, des problématiques qui sont un peu communes. C'est pour ça aussi qu'on a trouvé ça intéressant d'attaquer par les marchands de rue. C'est que c'est des gens que tu vas retrouver dans beaucoup de pays émergents. Les problématiques sont énormément différentes, mais on se dit si petit à petit on arrive à les creuser et que finalement tu peux presque lancer un mouvement de gens qui étudient ça dans les autres pays, tu peux réussir à avoir peut-être un socle commun à un moment. Donc c'est ça. La deuxième question, si j'ai bien compris, c'est les défis qu'on rencontre pour créer des solutions qui soient adaptées ou... C'est ça ? En tant qu'étranger particulièrement, c'est ça que tu veux dire ? D'accord. Pas particulièrement en fait. Enfin, je pense que c'est ça aussi, je pense, l'avantage et l'inconvénient du design, c'est qu'un bon designer ne doit pas tellement se baser sur son expérience, en tout cas c'est mon feeling, mais plus sur ce qu'il arrive à vraiment comprendre de son utilisateur. Donc si on applique bien les méthodologies, en théorie on est censé ne pas être biaisé par notre expérience occidentale. Ce qui n'est jamais le cas, parce que voilà, on a un passé, on a une culture, et ça se ressent. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des gens locaux. C'est pour ça aussi qu'on ne fait pas le développement, et donc on s'associe à des gens qui sont des développeurs. Et c'est eux qui vont développer ces applications. Et donc au final, eux ont de l'expérience de développer des applications locales. Et donc ils vont nous enrichir aussi finalement en cette partie design. Je ne sais pas si ça répond... Merci pour la conférence. Pour rebondir sur ce qui a été dit, en termes de formation académique et de savoirs qui sont transmis aux jeunes dakarois ou aux sénégalais, tu parlais de ton expérience et du fait qu'elle serait similaire en France ou peu importe, du fait de ta conception du rôle de UX designer. Et est-ce qu'il y aurait des choses que tu penserais intéressantes à ramener ici dans une formation comme le master que tu aurais appris en Afrique ? Des spécificités sur la démarche UX, par exemple ? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que c'est pour nous trop tôt pour le dire, parce que, comme vous voyez, ça, on commence à essayer de faire cette démarche UX en Afrique. Oui, il y a des choses qu'on ressent, que les designers qui avaient bossé sur d'autres contextes et d'autres continents, qui sont mes collègues et qui, là, le font à Dakar, voilà, ils voient qu'il y a des petites spécificités dans la relation avec les gens, dans la confiance, dans même le paiement des gens que tu interviews, dans les aspects purement logistiques. Donc oui, il y a des petites particularités. Après, la démarche reste globale. C'est beaucoup à quel point tu arrives après à sortir de ta boîte pour innover vraiment pour ce contexte plutôt qu'à te dire on va faire une plateforme web, ça va marcher comme ça. Je pense que le gros enjeu qu'on a, c'est d'essayer de réfléchir de façon non web et de penser à l'expérience utilisateur de façon globale. On a fait un autre projet sur l'économie de partage et les plateformes de crowdfunding. Et finalement, à chaque fois revenait l'idée d'un réseau physique où tu pouvais aller déposer ton projet dans n'importe quelle petite boutique du coin et avoir peut-être la liste des projets à financer dans chacune de ces boutiques et que chacun donnerait un petit peu d'argent physiquement. Et après, une plateforme pourrait aider au relais, à la gestion, à la transparence. Mais voilà, c'est un peu ces enjeux-là qu'on a, pas tellement finalement sur la méthodologie, mais c'est plus qu'est-ce qu'on en fait. Et donc oui, ça peut être intéressant, mais après... Il faut aussi que ça puisse intéresser des gens ici qui, pour l'instant, ne travaillent pas beaucoup sur le contexte africain. Donc après, je veux bien que tous les étudiants du master viennent bosser chez nous, ça, ce serait cool. Mais... Merci. Apparemment, ils utilisent énormément Facebook ou Snapchat. Vous en avez parlé au niveau des Africains. Vous n'avez pas peur que finalement, ils cherchent justement à... fonctionner comme nous, c'est-à-dire s'internationaliser, et pas rester en local et qu'on leur crée quelque chose de local et que ça reste chez eux, etc. Et comme en France. Hein. Nous, on utilise Uber et pas forcément les équivalents locaux. On utilise Facebook et pas forcément les équivalents français. Donc oui, tout le monde, on est biaisé par ce monde technologique qui est hyper puissant, qui arrive avec beaucoup de marketing et qui arrive aussi avec des expériences utilisateurs suffisamment universel pour que n'importe qui puisse rentrer dessus. WhatsApp, c'est magnifique à quel point ça marche là-bas. Quoi. La moitié de la population du Sénégal est sur WhatsApp. Mais... Donc ça fait très peur. Rester en local, c'est peut-être pas forcément Mais après, je pense pas, parce que je pense que c'est pas tellement un rejet du local qu'ils ont, c'est juste que localement, t'as pas suffisamment d'applications de qualité. Et les quelques startups nous qu'on a vues qui ont développé des choses avec une vraie expérience utilisateur, avec aussi une technologie qui marche bien et autres, ça marche. Donc tu vois, il y a par exemple des applications de TV qui te prennent les trucs sur la télévision et qui te les rediffusent. Ça, t'as pas d'équivalent international et les apps locales marchent vraiment bien là-dessus. Donc, mais c'est vraiment aussi une question de moyens et c'est pour ça qu'on essaye de faire ce qu'on fait. Par exemple, le symbole du orange, c'est la couleur orange. Quoi. Donc en fait, apparemment, ça a l'air d'être une fierté pour eux. Ils ont localisé cette couleur, ce logo, entre guillemets, cette marque. Ou Samsung, par exemple. Enfin, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a l'appartenance et le statut social. Des gens voudront avoir un iPhone au Sénégal alors que tu n'as aucune app sur iPhone juste pour le standing d'avoir un iPhone parce que c'est très européen. Comme les gens veulent avoir des Range Rover et tu as un nombre énorme de Range Rover à Dakar, personne ne comprend pourquoi. Donc tu as cette notion d'appartenance. Mais pour le cas d'Orange, c'est beaucoup plus un truc business. Quoi. Ils s'habillent en orange pour que les gars dans leur voiture les voient et qu'ils puissent dire « Ok, ça c'est un vendeur de crédit parce qu'il est habillé en orange ». Donc ça représente complètement la marque. Et c'est là où les marques ont vraiment gagné. C'est qu'ils ont appuyé ces gens-là pendant des années. Et puis maintenant, le truc s'est complètement inversé. Donc ouais, c'est un vrai enjeu de rendre le pouvoir, le consommer local. Et d'ailleurs, on est tous dedans. Hein. Mais c'est vrai qu'on comprend le consommer local sur des produits... Ouais, après... Je pense pas qu'il n'y a pas d'aspiration particulière à l'international. En tout cas, nous, c'est pas ce qu'on a vu. On a vu juste, tu veux gagner ta vie, quoi. Et peu importe, voilà, si c'est Orange qui te permet de gagner ta vie, tu vas t'habiller en Orange. Et c'est en tout cas pour nous, sur ces profils-là, c'est ce qu'on a vu. Mais après, oui, c'est clair, il y a une volonté d'appartenance, en tout cas pour certains profils plus. Mais oui, mais c'est ouais, pour certains cas. Mais c'est pas pour ça qu'ils s'habillent en orange. Mais ouais, l'anglais, ouais. C'est clair. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça. Ouais, pour rebondir là-dessus, quelle vue vous avez-vous en tant que petite agence locale sur l'impact que vous pouvez avoir par rapport à des grosses entreprises comme Facebook et WhatsApp qui ont qui ont un impact qui sera 6 fois plus gros que le vôtre et qui peuvent s'imposer comme unique solution, comme on voit, pour faire des recherches et tout. Comment vous vous comparez par rapport à ça, du coup ? Je pense, comme beaucoup de créateurs de produits, on n'espère pas à la base compétir avec ces gens-là, on espère s'appuyer sur eux déjà et développer des applications qui peuvent s'intégrer dans Messenger ou dans WhatsApp. Déjà, ce serait génial. Plutôt que de réinventer la roue, il y a des gars qui ont essayé de réinventer des WhatsApp locales, ça n'a pas marché. Il faut plus penser après. Et donc, là, il y a eu WhatsApp, il y a eu Snapchat, ok, mais qu'est-ce qui va venir après ? Il faut juste que ce qui vient après, on puisse avoir un maximum d'inputs locaux. Et après, on sera face aux mêmes problématiques qu'ont des startups partout dans les pays du monde, c'est qu'au bout d'un moment, tu te fais bouffer soit par un Chinois, soit par un Américain. Et c'est au Sénégal, tant que tu n'auras pas plus de financement pour les startups, de fonds investis dedans, même si tu as une bonne start-up, dans tous les cas, elle va se faire racheter à une valorisation qui est vraiment mauvaise par une boîte américaine ou asiatique. Donc c'est un combat, c'est un combat. Mais ouais. Et humblement, on essaie de le mener, quoi, un peu perdu dans la bataille, mais on y croit. Quoi. Alors, et en termes de modèle économique ? Quels peuvent être les modèles économiques pour les apps que vous prévoyez, que vous voulez développer ? Pour l'instant, on a un modèle économique qui est sur le service. Donc, en gros, c'est les clients qui nous demandent de faire des apps, du UX, du UI, qui payent les études qu'on fait. Donc ça, c'est pas mal. Après, pour les apps, c'est hypothétique. On va tester ça justement un peu dans le premier semestre de cette année. Soit création d'autres structures, et avec prise de participation dans ces structures, et on voit un modèle où nous, on apporterait tout le savoir-faire en termes de design, l'application, tout ça. Un autre tiers viendrait apporter tout le développement, et un autre tiers viendrait apporter tout l'opérationnel et la gestion de cette app. Tu vois, là, on bosse sur une app de formation. On se dit, nous, peut-être, on aura une partie du capital parce qu'on apporte toute la partie design. un autre va chercher l'opérationnel, un autre le développeur. Donc ça, c'est un modèle. Donc créer plein de petites structures. Un autre modèle va être juste dire, nous, on a une app. Si vous voulez l'utiliser ou vous intégrer à celle-là, tu auras une sorte de frais. Donc ça peut être une licence, un revenu sharing, ça peut être un subscription fee, ou peu importe, un truc comme ça. Ça peut être une option. Et sinon, tu as la vente. Ça se trouve, demain, quelqu'un va nous dire, ah, j'adore votre app pour les marchands ambulants, on vous l'achète à 5000 euros et on va être là, bah non. Et voilà, et peut-être oui, hein, d'ailleurs, hein, c'est si on a besoin de manger. Mais ouais, c'est à peu près les trois modèles qu'on anticipe. Et donc forcément, ce qui va être dur à gérer en termes de boîte, c'est cet équilibre entre une boîte de service et une boîte de produits sur laquelle finalement on devrait plus lever des fonds. Et avoir une problématique de levée de fonds, de grandir rapidement, de réinvestir tout, voilà, à voir si c'est pertinent pour nous. Je pense qu'on est plus intéressé par cette conception de produits et ces études que par le service. Donc on veut se donner peut-être un peu la chance d'aller lever des fonds pour concevoir ces produits et aller le plus loin possible. Ah oui, comment... Au niveau de l'utilisateur final, comment est-ce que lui, il paye ? Est-ce qu'il s'abonne ? Il paye au service ? Ça, je t'avoue que pour l'instant, on a une démarche très axée besoin. Donc, on essaie de répondre aux besoins. On n'a pas du tout abordé les trucs de business model. Et c'est ce qu'on faisait, nous, d'ailleurs. Avant, j'étais dans un truc de start-up, incubateur. On abordait la question beaucoup plus du business model avant les besoins, parfois. Donc là, on essaie de faire un peu le chemin inverse. Après, les options, elles peuvent être multiples, mais souvent, ce qui marche, c'est tout ce qui est prepaid. Donc, essayer d'avoir des sortes, c'est pas vraiment de l'abonnement, mais avoir les fonctions que les gens payent en fonction de ce qu'ils utilisent dans ton app. Ça pourrait marcher, mais je pense que même les modèles de pub par des tiers peuvent marcher peut-être mieux. Donc, mais ça, pareil, ce sera vraiment à tester une fois qu'on aura déjà testé que l'app plaît déjà, quoi. Donc, on n'est vraiment pas là. Merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Ça marche ? Ouais. Je me demandais dans quelle mesure vous avez aussi travaillé avec ou pensé au modèle autour du non-profit. Parce que je trouve intéressant le travail que vous avez fait vraiment de terrain avec ces acteurs. C'est vrai que vous le dites, c'est pas forcément l'endroit où ça va être le plus facile de monétiser, ou etc. Et puis c'est toujours cette articulation entre... On a l'impression que les grosses autoroutes d'Internet ont été faites par les Facebook et les WhatsApp et que ce sera difficile à les concurrencer. Et vous dites vous-même qu'une nouvelle start-up africaine aura du mal à les venir concurrencer. Mais c'est donc dans quelle mesure, par exemple, sur ces usages particuliers, il n'y a pas peut-être d'autres modèles économiques qui sont donc autour du non-profit, avec des fondations, etc., qui peuvent être travaillées, voire pensées. Aussi, une articulation, vous ne l'avez pas évoqué, mais vous parlez du produit comme un produit autonome, mais est-ce que vous avez imaginé l'idée, par exemple, d'aider Facebook à adapter leur version sénégalaise, donc différents autres cibles que le produit un peu plus classique. Ouais. Et je pense que c'est les dilemmes qu'on aura, parce que finalement, tu dois plus ou moins tout le temps vendre ton âme à quelqu'un si tu veux survivre. Donc il faudra qu'on choisisse, est-ce qu'on la vend à la Banque mondiale, est-ce qu'on la vend à l'Agence française de coopération, à l'Agence américaine de coopération d'un côté, ou est-ce qu'on la vend à des corporates, ou est-ce qu'on arrive à trouver un modèle économique purement bootstrap, à survivre avec nos clients. Donc c'est des questions qu'on n'a pas. Je pense pour les agences de coopération et les fonds des ONG développement, c'est intéressant. Après, c'est un milieu que j'ai un petit peu touché. Je ne suis pas forcément fan parce que c'est de l'argent qui circule, qui finalement ne sert pas parfois à grand-chose. Mais voilà, ça reste aussi de l'argent qui est là, qui peut te permettre de faire tester des innovations. Si tu trouves des gens pertinents dans ces organisations qui ne cherchent pas forcément aussi à déployer leur agenda à travers toi, c'est souvent ça qui est pas simple. Après, tu as les pouvoirs publics, même sénégalais, hein, c'est les mairies ou autres, qui sont très concernés par ce genre de problématiques ou de marchands. Donc peut-être, voilà, on pourra les impliquer, mais c'est pareil, c'est des questions d'indépendance. Et pour la question, oui, d'aider les corporates à adapter leurs apps, ouais, souvent on a fait ça pour la Société Générale au Burkina Faso, on les a aidés à adapter plus ou moins des apps qu'ils avaient ici et à créer une app locale. C'est pas mal, mais ça, pour nous, ça ne changera pas la donne. Tu vois, je pense qu'il faut vraiment qu'on essaye de trouver un moyen de financer les choses pour pousser des innovations un peu plus de rupture. Et c'est ce que tout le monde veut, c'est jamais vraiment simple, quoi. Une dernière question. En termes d'écosystème entrepreneurial, tu as parlé des préférences pour les marques et du fait qu'il y avait très peu de préférences pour des marques. Est-ce qu'il y a des Sénégalais qui en profitent justement pour se positionner sur le café ou des choses comme ça ? Et du coup, il y aura aussi un rôle pour le designer qui serait plus orienté marketing. C'est-à-dire ? c'est-à-dire de connaître en fait le marché, les habitudes de consommation et de savoir comment intervenir dans la consommation locale pour proposer une marque. Oui, oui, d'accord. Et c'est vrai d'ailleurs. Enfin, il y a quelques marques locales qui sortent vraiment du lot parce que les gens connaissent qui bossent dans ces boîtes, connaissent les entrepreneurs et savent comment c'est fait. Donc oui, ces quelques marques locales vraiment arrivent à s'en sortir. Après, il y a la question de l'international aussi. C'est vrai que les gens parfois ont plus confiance et c'est incroyable. Tu demandes aux gens où est-ce qu'ils achètent leur essence pour mettre dans la voiture. Ils te disent à Total ou Shell, sinon l'essence, elle n'est pas bonne. Alors que l'essence, bah, c'est la même partout, tu vois, plus ou moins, j'imagine. Mais ils ont vraiment conscience que l'essence que tu achètes chez Total, elle va nettoyer le moteur et tout ça. Et c'est vrai que bon, il y a beaucoup d'éducation à faire. Oui, il y a une opportunité pour les entrepreneurs locaux, pour le marketing, bien sûr, à étudier ces sujets-là. D'ailleurs, cette étude a été faite en partenariat avec une agence de marketing digital, parce qu'ils s'intéressent à comment, en termes de marketing, on peut toucher des cibles qui ne sont pas concernées habituellement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus l'aspect technologique, usage et tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à réinventer en termes de marketing pour pouvoir toucher des populations qui ne sont pas ciblées. Même sur des produits basiques, le packaging par exemple, c'est un vrai truc à faire chez nous, quoi. Il y a personne qui en fait et on n'y touche pas pour l'instant, mais voilà, on a déjà eu des demandes, quoi. On a même des demandes pour faire des présentations PowerPoint, pour te dire à quel point il y a un besoin en termes de design de façon générale, quoi. Je ne sais pas si ça répond à... Eh ben, merci beaucoup Yann. Non, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors on avait prévu une petite pause, mais si vous n'êtes pas complètement déshydraté, on vous propose d'inverser ce qu'on avait prévu et d'attaquer directement par une table ronde, justement avec...